Join me on RIG. RIG. Oh, la marchite, c'est vachement toujours de Nexno. RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. Nous sommes le mercredi 11 novembre et c'est la saga des Fab Four numéro 273. Nous sommes en direct du Stade Bordelais. C'est le concert de John, Paul, Ringo et Georges Merveilleux à Bordeaux. Ils étaient venus il y a quelques mois, il me semble, quelques temps en tout cas, on va dire. Et comme l'accueil avait été très très chaleureux, eh bien Paul McCartney a dit les aux gars, allez, on y retourne et on fait comme j'avais fait dans les années 70, très peu d'affichage, on le dit presque à personne. Vous n'avez pratiquement, probablement pas vu grand-chose sur Bordeaux, les médias n'en ont pas parlé, mais nous à RIG, on était là, ils nous ont contactés, ils nous ont dit, ça se passera au Stade Bordelais, ce sera le mercredi 11 novembre. Et c'est maintenant, entre 20h et 22h. Ah oui, ils sont plus de 70 ans tous, donc 2 heures de concert, ça va suffire. Et ça va être très, très, très, très, très, très, très, très bien. Donc, calez-vous, mettez-vous à l'aise, branchez-vous sur 90.7 si vous entendez, c'est obligatoirement que vous l'avez fait. Venez nous rejoindre sur www.rigfm.fr si vous êtes dans la région bordelaise ou n'importe où dans le monde. Que ce soit aux États-Unis, en Belgique, quelque part en France ou au Japon. Et oui, je pense à mon ami. Je me rappelle plus. J'ai oublié son nom. Yoshi. Bon, bref, installez-vous tranquille. Venez nous rejoindre sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four ou sur macaclub.com dans la rubrique La Saga des Fab Four aussi. On en parle jusqu'à 22h. C'est un grand concert. Et moi, je sais ce qui va se passer. Mais vous, vous ne savez pas. Et vous allez le découvrir. Donc, à tout de suite. Ça, c'était un extrait d'un autre concert. L'écran est allumé. On voit apparaître les visages progressivement. Vous entendez derrière les gens. On voit apparaître les visages de John, Paul, Ringo et George. Et ils rentrent sur scène. Qui va parler en premier? Qui va commencer le concert? Ladies and gentlemen, please welcome Ringo Starr and his All-Star Band. Il se présente comme Ringo Starr et the All-Star Band. Beaucoup d'humour dès le début. You know it don't come easy. If you're big enough to take it, I don't ask for much, I only want trust. You know it don't come easy, and this stuff of mine keeps growing all the time. You know it don't come easy. C'est Terry Gier qui a obtenu les droits de retransmission du concert de John, Paul, Ringo et George. Je crois que j'ai oublié personne à Bordeaux ce soir, le 11 novembre 2015. J'espère que tout se passe bien pour vous. C'est Ringo qui a commencé avec With a Little Help from My Friend en extrait et Don't Come Easy. Il est assez fou, forcément. Il a les cheveux courts, des lunettes de soleil et il est habillé en blanc. Très, très sympa. Alors là, Ringo parle, je pense qu'il dit bonjour à Bordeaux. Ça va être difficile pour moi de tout vous traduire, mais maintenant, celui qui prend le lead, je reconnais à la guitare, c'est Paul McCartney. Qui était là au piano pour le concert à Bordeaux le 11 novembre, le concert de réunion encore une fois de John, Paul, Ringo et George, ici pour le plaisir de tout le monde. Paul McCartney est vêtu en bleu avec une écharpe autour, c'est assez sympa. Il a un collier de perles et un jean bleu aussi, c'est sympa. Voici, rien qu'à la musique, George Harrison vêtu d'une chemise flower power jaune. Ils ont tous les cheveux longs sauf Ringo qui a les cheveux courts. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say it's all right. Le concert commence bien, il est retransmis par RIG 90.7. On a entendu un petit bout de With a Little Help from My Friends, puis It Don't Come Easy. I Saw Her Standing There, et à l'instant, Here Comes the Sun. Que nous réservent les 3 et les 4, même Fab Four, dans quelques instants? Eh bien, restez là et vous saurez tout. Voici Got to Get You Into My Life, Paul McCartney en lead. John Lennon est en train de prendre la parole parce qu'ils ont quand même commencé tambour battant sur le concert. Il prend la parole pour remercier, pour dire bienvenue à Bordeaux. Il le fait dans un français à peu près correct. Alors, je vais parler par-dessus si vous le voulez bien pour vous parler de Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine. Le Beatles Magazine, c'est à Londres. C'est pour tout savoir, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sur John, Paul, Ringo et George, justement. Sur les tournées de Paul, les tournées de Ringo, sur les émissions qui sont faites autour des Beatles, comme celle celle-ci, la saga des Fab Four, comme celle Beatles Tonight de mon ami Michael Onorato le lundi soir dans le New Jersey, du côté de New York, celle de Kyle à Toronto au Canada le samedi après-midi, il me semble maintenant, et celle de Brooke Alpin sur la côte est de l'autre côté, qui nous fait une superbe émission qui s'appelle Come Together with Brooke Alpin. En voici 3, par exemple, parmi d'autres. Vous pouvez en écouter beaucoup d'autres. Il y en a partout dans le monde. Et Lovely Rita, c'est tout sur ces gens-là. Vous pouvez la retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Google. Bref, 24 heures sur 24, c'est l'endroit où il faut être. Voilà, je crois que le concert reprend. Donc, un petit jingle en régie, s'il vous plaît. Et la suite du concert, c'est maintenant. C'est la saga. C'est en direct et c'est le concert de John, Paul, Ringo, George au stade de Bordeaux ce soir, le 11 novembre à Bordeaux. C'est merveilleux. C'est toujours Paul McCartney apparemment avec Every Night, d'après ce que je reconnais. diriger 90.7, la radio des Beatles. Every night I just wanna go out, get out of my head. Every day I don't wanna get up, get out of my bed. Every night I wanna play out. Monsieur Paul McCartney sur RIG dans ce concert avec ses trois acolytes John Lennon, George Harrison et Ringo Starr. Et là, je crois que il a posé sa guitare pour une guitare acoustique. Vous reconnaissez ? C'est Get Back sur RIG. Back, Jojo. Alors, je suis allé demander conseil. Georges est vêtu d'une chemise jaune aux imprimés marron, style cachemire et baba cool, avec un jean bleu très délavé. Ringo, il a une veste tailleur homme ornée d'une étoile et une chemise noire. On ne voit pas son pantalon derrière ses fûts. Quant à Paul, c'est t-shirt bleu marine, veste homme, bleu marine pailleté, jean bleu foncé et collier de pièces. C'est Paul McCartney qui chante. A Day in the Life sur RG. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the house. tout à l'heure, Nathalie sur Facebook m'a reproché de ne pas avoir décrit John Lennon. Bah oui, j'avais pas le temps puisqu'ils étaient en train de chanter. John, il a un t-shirt marron avec une chemise kaki militaire par-dessus et il a un collier de pièces aussi, tout comme Paul. Et tiens, le voici qui prend le lead avec cette chanson Cold Turkey sur RG. I wish I was dead. Cold turkey. Est-ce que vous vous rendez compte que Ringo Starr et John Lennon ont 75 ans, que le plus jeune c'est George Harrison, il en a 72, et Paul McCartney en a 73. Ils tiennent une pêche d'enfer, le rock'n'roll, ça maintient en vie. Vous êtes bien sur RIG 90.7, c'est la retransmission du concert de John, Paul, Ringo, George au stade de Bordeaux, ici, ce soir. Et Paul McCartney nous gratifie d'un Lucille Rock'n'Roll sur RIG. Together, beating music. John Lennon vient d'adresser un nice job à Paul McCartney, parce que c'est vrai que lorsqu'il avait sorti cette chanson-là, John Lennon avait dit ben, j'ai du boulot, il faut que je travaille. Et voilà. Donc c'est le concert de John, Paul, Ringo, George, retransmis sur RIG 90.7. Restez avec nous. Voici le son de What Is Life. George Harrison prend le lead sur RIG. Et très agréable de voir combien chacun des trois ex-collègue des Fab Four, quoi, s'applique sur les chansons de l'autre. Là, on a vu McCartney à la basse faire le son qu'il faut et prendre vraiment du plaisir à faire ça. Et pareil pour Ringo quand il le faut, et puis pour John, etc. Et c'est encore George Harrison qui est au lead avec Isn't It a Pity sur RIG. La saga des Fab Four spéciale live sur RIG. Isn't it a shame? Isn't it a shame? How we break each other's hearts. Cause each other pain. How we take each other's love. Back. Isn't it a pity? Eric Clapton à la guitare. Merci Eric Clapton d'être passé ici à Bordeaux. Première fois que je le vois en concert, ça fait très très plaisir. On fait un petit rappel si vous voulez bien. Je baisse le son du concert pour pouvoir que vous m'entendiez mieux. Il y a eu d'abord With a Little Help from My Friend, un tout petit extrait avec It Don't Come Easy par Ringo. Puis McCartney a chanté I Saw Her Standing There, Harrison, Here Comes the Sun. Paul a repris avec Got to Get You Into My Life, Every Night et Get Back en version acoustique. Il a ensuite chanté Day in the Life, suivi de Give Peace a Chance. John Lennon a pris le lead avec Cold Turkey. McCartney a rappelé que le rock, c'était ce qui leur convenait le mieux avec Lucille. Puis Coming Up, George Harrison vient de chanter à l'instant What is Life et Isn't it a pity. Qu'est-ce que nous réservent les quatre Liverpooliens John, Paul, Ringo et George? Eh bien c'est maintenant, je remonte le son du concert. Il y a du monde, hein, il y a du monde, je ne sais pas combien il y a de personnes, mais le stade est rempli et c'est absolument génial. Vous êtes bien sur RIG, c'est la retransmission de l'intégrale du concert de John, Paul, Ringo, George, ici ce soir à Bordeaux le 11 novembre. En régie puisqu'ils ont mis le jingle à temps, c'est parfait. Oh, 20 Flight Rock sur RG. This went on for another day, but I couldn't stay away. I'm walking 2, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 8, 9. I'm on the trail and I'm starting to say, beep, beep, before I'm ready to drive. I get to the top. Baby, too much to wait. All this time is getting me down. If I'm a country, I'm going away. I'm 1, 2, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On the side, outside, inside. 15 before I'm ready to drag. I get to the top. I'm too tired. You don't do that to rock, man. Et vous n'avez peut-être pas entendu, mais John vient de dire à Paul, hey, c'est à mon tour de bosser. Alors on va voir. Ça va être donc Paul qui va. John, qui reprend le lead. Ou c'est une version au piano, mais avec un piano différent de Imagine, je pense. No hell. brotherhood and sisterhood of man. John Lennon dans ce concert à Bordeaux, au stade de Bordelais. Il réunit John, Paul, Ringo et George, et c'est absolument fabuleux. Il y a quelques instants, c'était Imagine, et puis l'instant Come Together. Et voici, il me semble, Dizzy Miss Lizzy sur RIG 90.7. John Lennon, on a entendu un son, un sax, je crois, où ça faisait ouah, comme ça dans le fond. Il me semble que c'était un saxophone, hein, il me semble. Que va-t-il se passer maintenant? Carnet qui s'amuse comme ça, une petite chanson derrière du tout, comme ça pour rigoler. Babyface à l'instant. All right, hey, here we go. I'm about this one. Ah, c'était pour introduire Maybe I'm Amazed. Vous êtes bien sur RIG, c'est la saga des Fab Four numéro 273. Pull me out of time. You hung me all night. sont tous hilars, ils sont contents de leur coup, ils ont fait une version complètement speedée de Blackbird, c'est plutôt sympa. Ah oh bah oui, là il remet tout le monde à l'heure, George Harrison. Voici My Sweet Lord sur RIG. So long, my love. Hallelujah. My sweet love. Hallelujah. Oh, my love. Hallelujah. My sweet love. Hallelujah. Really wanna know you. Really wanna go with you. I wanna show you, Lord, that it won't take long. Hallelujah, my sweet Lord. Hallelujah, oh my Lord. Hallelujah, my sweet Lord. Hallelujah, really wanna see you. Really wanna see you. I wanna see you, Lord. It takes a long time. Un concert mené tambour battant par John, Paul, Ringo, George au stade de Bordeaux ce soir. J'espère que vous aimez ce concert, que tout se passe bien pour vous. On est ensemble pendant encore, oh bah en principe, un peu plus d'une demi-heure. Et puis, bah tout se passe bien. Ah, on chante. Because she's under both his thumbs. She limped along to his side, singing a song of ruin night. Now I guess he says nothing to it. I call it, I call it suicide. She's on the bones, his thumb. She limp along to his side, singing a song, ruin eye. I bet he says nothing to him. I call it suicide. Cause she's on the bone, his thumb. She limped along to his side, singing a song of ruin night. But he says nothing doing. I call it suicide. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Je crois que c'est la deuxième grosse surprise de la soirée après un Blackbird version complètement speedée et délirante, Suicide, qu'il avait destiné à Frank Sinatra, mais que Frank Sinatra n'a jamais voulu chanter. Oh, you're quiet things down here, but here you go. Oui. Oh, put it there, sur RIG, dans la saga des Fab Four, sur 90.7, c'est la radio de John, Paul, Ringo et George. Give me a hand, I'd like to shake it. I wanna show you I'm your friend. You'll understand if I can make it clear. It's all that matters in the end. Put it there, if it wastes a ton. That's what a father said to his young son. Done. As long as you and I are here, put it there. As long as you and I are here, put it there. That's what a father said to his young son. I don't care if it weighs a ton, as long as you. bed. You're more than the whole world to me. Sally, Sally, don't ever wander away from the alley and me. So, ladies and gentlemen, Reginald Dixon at the Blackpool Tower. Come on, Reg. Skies than the gray skies I talked about before. Sally, Sally, don't ever wander away from the alley and me. Thank you, thank you. Thank you so much. Thank you so much for coming here to Paris. C'est Paul McCartney qui chante ça. Ça faisait 25 ans qu'on n'avait pas entendu cette chanson Sally. Il l'avait chantée à l'époque dans le Tripping the Life Fantastic. I met Fats Domino. Une fois à la Nouvelle-Orléans, j'ai rencontré Fats Domino. Il m'a dit, j'ai quelque chose à te dire. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, me quoi? You said goodbye. Oh, my dear. Bientôt 2 heures de concert et pourtant tout le monde est à fond ici au Stade de Bordeaux. J'espère que vous aimez et c'est bientôt la fin. Hein. Encore 20 minutes de concert et ce sera terminé. Je reconnais le titre, c'est Letting Go, toujours McCartney aux commandes. Vous êtes bien sur RIG 90.7 et également www.rigfm.fr. Oh, des succès, des belles chansons à la suite. Il y a eu, on a entendu Suicide, Put It There, Sally, Ain't That a Shame, Let Me Roll It, Letting Go, que nous réservent Paul, John, Ringo et George pour la fin du concert. On va le savoir dans quelques secondes. Oui, rappelez-vous, un medley de deux chansons, P.S. I Love You et Love Me Do. Ça donne P.S. Love Me Do. Et c'est traité à la façon de Level 42. Très bonne chanson, très bonne reprise. C'est Paul McCartney aux commandes, encore une fois. Qui vient de dire, et maintenant retour à l'essentiel, money, that's what I want. But you Chrissy Hynde. Let me give you a little clue. Hallelujah. Hare Krishna. Yeah, yeah, yeah. George Harrison. Merci, on était au courant. George Harrison qui chante une chanson de Bob Dylan, Absolutely Sweet Mary, sur RG. With all these promises, got my mind to it. I know that I really can do it. I got my mind set on you. Got my mind set on you. Got my mind set on you. Got my mind set on you. But it's gonna take a money. Merci John, merci Ringo, merci Monkey, George, je ne sais plus. John, Paul, Ringo, George, voilà, comme ça je suis certain de les avoir tous cités. Ils étaient à Bordeaux pour ce concert exceptionnel en direct du stade. Et puis ils nous ont fait commencer un petit peu, finir en retard. Alors j'espère qu'Eric, là-bas, qui est dans le studio de Blanquefort, ne m'en voudra pas trop. Tu m'entends, Eric? C'est trop court, 2 heures de concert. Ouais, et puis de toute façon, c'est vrai que même quand je suis dans le studio, je te rends l'émission en retard. Dans quelques secondes, je rends donc l'antenne. Et c'est Eric qui vous apprendra tout sur Johnny de A à Z. À très bientôt. C'était Thierry Gallet pour la saga des Fab Four. Bye bye, see you next time.